Alors, c'est parti pour la troisième séance de Little Ho Chi Minh Ville. Pour résumer très rapidement ce qui s'est passé précédemment, donc vous êtes allé voir Jasmin, votre boss du moment. Vous lui avez confié la cellule de Lazare, qu'il est allé direct rapatrier dans son QG. Et ensuite, il a accompagné, il a donné à 256 ce qu'il réclamait, c'est-à-dire de mémoire des jambes et des mains issues de sa chaîne de fabrication. Et ensuite, il a emboîté le pas à Haroun et notre chère Laura Kim, puisqu'il a, il a du boulot à faire pour eux. Haroun, tu dois te débarrasser du dragon. Et Laura Kim, il doit changer le visage et l'identité de ta famille. Lui, au départ, il propose de commencer par le dragon, parce que ça lui semble la chose la plus rapide et facile à faire. Donc, s'il a Je suis votre un peu permission. vexé qu'il appelle ça facile, mais d'accord. Ça roule. Ça fait des années que j'essaie de m'en débarrasser, bordel. Toi, ça fait des années que tu as ici à la Non, non, non, maison. non. Non, je dirais des semaines peut-être, peut-être des mois, mais des années certainement pas. Après, Ok. le temps, hein, qui peut dire combien de temps pas, honnêtement. Oui, exactement. En plus, avec l'oubli, tout ça. Bah oui, c'est Bon, ça. pour toi, ça fait longtemps, quoi. C'est ta perception des Ouais, choses, quoi. c'est ça, ça fait beaucoup trop longtemps. Donc, du coup, hop, hop, hop, vous vous dirigez vers. Sur le chemin, quand même, je te retiens, Haroun. Et Ouais, ça commence. je te demande, s'il te plaît, est-ce que tu peux pas remettre l'opération du dragon à plus tard? Je te regarde avec un air vraiment choqué, quoi. Comment ça Mais non. Mais pourquoi? Ah, Parce... d'accord. Je comprends. Tu voudrais Quoi? qu'on fasse passer tes problèmes avant les miens, c'est simple. Non, Comme d'habitude, Haroun n'est pas assez bon pour toi. c'est pas Haroun. Est-ce que juste une fois dans ta vie tu peux répondre sur un sujet de façon à peu près mature? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu t'es déjà demandé si ce dragon, il n'était pas quelque chose de bénéfique pour toi? Tu te l'es posé la question ou pas? Bénéfique pour moi. Non mais tu plaisantes, j'espère. Tu vois sur sa figure qu'elle plaisante, mais pas du tout. Ce dragon, il hante mes cauchemars toutes les nuits. Il me nargue. Il me renvoie ma médiocrité à mon visage et t'es en train de dire qu'il est bon pour moi? Alors là, faut que tu m'expliques. Eh ben, si t'étais moins médiocre, peut-être que t'aimerais mieux ce qui te renvoie au visage. Alors comme ça, c'est facile de s'en débarrasser, je dis en ignorant complètement Laura Kim. Attends, je t'attrape par le coude, mais pour le coup, pas violemment, c'est plus pour en désespoir de cause, quoi. Attends, Haroun, s'il te plaît. J'ai promis à Attends. Ishii que je te dirais deux mots, alors c'est ce que je fais, d'accord? T'as parlé avec Ishii? Et voilà, Oui. ça, bah d'accord, tout s'explique. Il t'a mis ses menteries dans la tête. Il t'a retourné le Quelle cerveau. menterie. Non, mais c'est... Ah, je croyais que c'était le pluriel de mantra. Je me dis, oh là là, il emploie des. Écoute, Haroun, est-ce que on n'est pas à 5 minutes près? Est-ce que tu peux donner une semaine au dragon? Une semaine? Mais j'en sais rien, un peu de temps. Et en échange, je te laisse un gage. Quel genre de Veuillez gage? déposer vos armes sur le sol tout de suite. En fait, y a des gars qui sont sortis au détour d'un couloir. Il y en a un qui est descendu, y en a un qui est descendu d'une échelle, d'un conduit. Il y en a un qui est sorti d'une plaque d'égout. Et donc, il se retrouve une demi-douzaine de gardes qui vous braquent avec des fusils et qui vont vous déposer vos armes. Moi, j'ai pas d'armes. Et du coup, je me suis figé alors que je portais ma main à ma poitrine, là où il y a le creux que j'ai à la place du cœur, quoi. Ouais. Les gardes, c'est qui, c'est quoi, c'est quelle faction? Enfin, ça se c'est reconnaît les, à l'œil. C'est les matons. Les matons, en fait, c'est des gens qui prétendent que Little Chimville, c'est une prison, en fait. Et que vous êtes les prisonniers et eux, c'est les gardiens. Évidemment. Là, ils ont tort. Je laisse mes bras. Ouais, ok. Et du coup, en fait, si vous obtempérez tous, ils vont pour s'emparer de Jasmin. Ah oui, ben non. Il y a la chef des gardes, c'est une nana avec assez âgée qui se tient droit comme un i et avec une en fait est-ce que c'est un tatouage sarcomantique ou est-ce que c'est une vérole minérale quelconque et là comme en fait la moitié du visage tu sais qui s'est fossilisé ça fait comme une empreinte de coquillage dont l'œil serait son œil c'est un peu le centre de la spirale du coquillage quoi. Je jette un coup d'œil vers l'oracle. On n'a rien contre vous, on va juste vous interroger si, comment dire, si vous êtes coopératif, tout se passera bien, que ce soit pour vous ou pour Jasmin. Je regarde l'oracle et en fait, je jette un coup d'œil vers 256. En mode genre, est-ce que tu veux que. Enfin, est-ce que tu m'autorises à. Plutôt. C'est ça, c'est ce que veut dire ton coup d'œil? Oui. Ok, bah vas-y, je te regarde. du coup, je pense que je... comment dire? Attends, je suis en train d'essayer de retrouver dans mes notes. Ah voilà, le mot de contrôle de 256, quoi. Je savais pas que tu fais ça. Ça commence. Bah, tu pensais à quoi Je sais pas. Hein? Bon, les auditeurs sauront que c'est avec l'express autorisation de Laura Kim. Donc je murmure, tu vois, mais assez fort pour que 256 puisse entendre, je murmure fleurage. Alors, fleurage, tu me rappelles à quoi ça sert? C'est pour prendre le contrôle de 256? Ouais, c'est ça. Je crois que tu pouvais plus le faire, ça. Bah, je sais plus. Je me disais que ça pouvait passer si Thomas s'en souvenait plus, donc. Mais non, tu pouvais plus le faire. Comment tu veux gruger le jeu, en fait, c'est ça? Ah bah ouais, on a dit qu'on était des mini-maxeurs, là, on y va. Non, honnêtement. Des maxi-maxeurs, là. Non, plus voilà, tu la joues comme ça, max et des maxi-maxeurs, quoi. comment ça se passe? T'avais le mot de contrôle, je crois pas qu'il était annulé, moi. Je m'en souviens plus, honnêtement. Je sais pas. Ah non, mais sérieusement. Ouais, parce que c'était un truc que j'avais lu, je sais plus comment, mais. Non, en fait, le truc que désormais 256 peut faire, c'est bloquer si on touche à ces algorithmes communistes. Ça, on ne peut plus y toucher. On peut plus lui demander de faire quelque chose d'anticommuniste ou ce genre de choses. Par contre, on peut pas pense... lui faire croire que McDo, c'est communiste, quoi. Par contre, je pense que sur le mot de contrôle, on peut enfin Haroun pouvait l'utiliser une fois. Et après, 256 oui, aurait les moyens de s'en prémunir, en fait, de ouais, se battre contre ça. Oui, c'est donc ça. Du coup, en fait, tu peux faire désobéir à un ordre, si tu veux, 256. Bah, mais non, je non, crois non, que tu bah, n'as non. encore pas acheté le move. Bah non, mais attends, c'est pas que ça. C'est que j'avais utilisé le mot de destruction, déjà. Donc ça, il peut s'en prémunir. Mais le mot de contrôle, il me semble pas l'avoir déjà utilisé. Si tu l'as utilisé pour qu'il se désactive. Non, c'était avec... Non. Ah non, il s'est désactivé de son plein gré, en plus. C'était avec son consentement, ouais. Ouais, ouais. Non. Est-ce que t'as le move désobéir à un ordre, mon cher 256? Non. Bah, c'est Balou. Je veux dire, oups. Donc, vas-y, qu'est-ce que tu lui donnes comme ordre ? De nous débarrasser des matons. Et je choisis le mot débarrasser exprès parce qu'il est suffisamment vague pour que tu puisses faire ce que tu veux avec. C'est tellement sympathique. Ok, donc comment tu t'y prends, mon cher 256 ? Quand il me dit ça, je sors mes pics de mes bras et je leur fonce dessus. Bah du coup, quand je vois que 256 bouge, je bouge en même temps pour l'aider, quoi. Et moi, je me planque. Tu veux les tuer ? Tu veux les neutraliser ? Tu veux faire quoi ? Je vais les tuer parce que moi, je pense que ces gens-là, c'est des engins anticommunistes. Hein ? Les 6, y compris la chef. Ouf. Parce que si tu tues un lieutenant des matons, ça va un peu frictionner hein, par la suite, hein, vos relations avec... Moi, je suis un robot. Ouais. Oui, tu saurais avoir de problèmes. Alors, eux, ils pensent que c'est une prison. Moi, je pense que nous sommes libres. Car le communisme, okay. La liberté, ce n'est pas ce n'est pas emprisonner les gens. Bien sûr que non. Donc, je suis une machine vivante. De toute façon, là, ce que tu fais... Ah oui, c'est vrai que j'ai dit que tu pouvais faire ce move pour vas-y, flingue les gens. Fais ton 2D, ça doit être 2D plus tech, je crois. Attends, parce que je suis peut-être pas sur la bonne page. Tu peux faire un jet de... Comment ? Un jet de 2D6 plus intime, Laura Kim, pour filer un coup de main. Ça roule. Et je sais plus à combien on est. Yes. Merde. Ah, j'aime bien ce bruit. Ça fait combien ? Non, je m'étais trop juste. J'ai fait 12. Boum ! Oh, mais... J'ai combien moi ? Bah, t'as pas encore. Mais si, j'ai un plus là. Si. Ah, bah oui. T'as plus 2, ouais. Oh, bah, je vais pas rater. Merde, trop. Ah non, c'est dans l'autre sens. Ouais, c'est le slash avant. Laura Kim, t'as 3 chances. Alors, pour les options 10+, donc, j'atteste un nouveau truc. C'est que si vous faites un 10+, vous avez le droit de me dire un truc bonus qui vous arrive. Et si vous y pensez pas, eh ben, je vous propose une des 3 options. Ça vous va comme façon de faire ? Ok. Eh ben, mon bonus, c'est que en fonçant dans le tas en même temps que 256, je me couche sur Jasmin, histoire qu'il ou elle se fasse pas blaster par 256 qui tire dans le tas, quoi. Ok, impeccable. Donc, 256, tu jettes ton move, ça va être 2d6 plus tech, non ? C'est 13. 13, oh, non. ok. T'as quoi comme bonus ? Comme truc en plus du fait que t'as fait un 10+ ? Le bonus, c'est qu'il n'y a aucun survivant. Donc il me faut... Ce qui nous arrange carrément. Ok. Donc, c'est donc une véritable boucherie. Et ouais, effectivement, véritable boucherie et chevaline, un truc de ouf. Et donc, vous pouvez passer tranquillement, quoi, en vous frayant un chemin parmi les cadavres électrifiés. Mais j'ai un petit sourire quand même. Tu me foudras du regard, mais tu m'avais donné ton autorisation. Mes petits regards en coin, c'était ton problème, hein, c'est pas le mien. Ah là, je t'ai fait des signes indiens, comment ça se fait que t'as pas compris ? Toi, on s'expliquera quand tu viendras dans mon palais mental. Mais non, c'était pour rire. C'est pas pour de vrai, Victor. Jasmin vous demande si vous avez une idée de pourquoi, pourquoi ils ont voulu arrêter le groupe. Bah, c'est plutôt toi qui devrais nous dire pourquoi. Ouais, on allait te retourner la main. Les entités anticommunistes. Bah, en fait, je me demande si. Comment. S'ils ne cherchaient pas à s'emparer de moi pour faire question. Pièce maudite. Ah, bah, je crois que Jasmin vient de se faire enlever par les extraterrestres. Jasmin est séquestré dans la pièce maudite. Oui, donc Jasmin était dans une pièce maudite, mais il en revient. J'ai l'impression que. J'ai l'impression, vu ce que la chef a dit, qu'il voulait s'emparer de moi pour faire pression sur vous. Peut-être moi, pour personnellement, vous demander de faire une mission pour leur compte. Hein. Non, mais c'est peut-être vos compétences qui les intéressent. Excusez-moi, mais vous dites n'importe quoi, Jasmin. S'il voulait vraiment s'emparer de nous, pourquoi ils ne sont pas directement emparés de nous alors qu'ils étaient là ? D'autre part, ils devraient savoir qu'on est suffisamment. Enfin, qu'on est prêt à travailler avec pas mal de gens, quoi. Ouais. Bah bon, c'est les matons, ils ont un grain, de toute façon. Hein. Nous, à la nouvelle chair, on est des garçons très équilibrés, mais bon, eux, c'est clair qu'ils sont fous, quoi. Je pense que vous cachez quelque chose. Et vous pensez que je vous cache quoi ? Nous représentons. Vous pensez que je vous cache quoi ? Je n'en sais rien du tout. Si je le savais, je vous le dirais. Et c'est quand même dommage que vous vouliez à nouveau des mains de robot. Je trouvais que vous êtes beaucoup mieux en hybride. Ah, je suis bien d'accord. Pourriez être le représentant d'une nouvelle humanité transcendante. Ça vous branche pas ? Non, ça ne m'intéresse absolument pas. Non, mais parce qu'on pourrait aller plus loin aussi, on pourrait vous greffer des parties animales. La transcendance ne fait pas partie. Est-ce qu'on pourrait s'occuper de notre paiement, Jasmin ? Oui, je m'égare. Bon, bah, du coup, on va chez Haroun, c'est bien ça hein ? C'est ça. Je vais très bien, je suis pressons un peu le pas, je n'ai pas envie de me faire à nouveau arrêter. Alors, Pomme. Donc, vous arrivez chez Haroun. Laura qui me fait la gueule. Bah, comme d'hab. Il y a un mot en fait sur la porte. C'est convocation chez en fait. C'est mis convocation chez les matons en fait pour aller chercher Ni. Apparemment, ils l'ont embarqué, donc t'es convoqué chez eux, quoi. Là, je me retourne. Tu sais, je prends le mot dans ma main, comme ça, avec le poing serré sur mes jointures blanches, et je me retourne vers les autres avec un regard de colère, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Je crois que je te tends le mot. Je crois que tu vas avoir ce que tu souhaitais, Laura Kim. On va pas s'occuper du dragon tout de suite. Qu'est-ce que c'est ? Je tends le mot à 256 en serrant les dents. Mais Jasmin, il fait « Non, mais si vous voulez, on s'en occupe tout de suite du dragon. Hein. Ça va me prendre 5 minutes. Hein. » Si on a 5 minutes devant nous, je préférerais qu'on s'occupe de ma famille. En même temps, ta famille, elle n'est pas là. En même temps, une famille, c'est pas communiste, ça, la famille. Ça, c'est le précepte du communisme. Bon, Jasmin, on s'occupe du dragon, après, on va voir les matons. Ok. Donc vous rentrez dans l'atelier. Et là, il y a Ishii qui pleure et il dit « Non, mais c'est pas ma faute, s'ils ont embarqué ni... T'inquiète pas, Ishii. C'est parce qu'il y avait un cadavre. Un cadavre ? Bah oui, mais en fait, ils l'ont surpris en train de essayer de se débarrasser d'un cadavre, tu sais, le... Ah oui, c'est vrai. Non, mais je ne t'en veux pas, Ishii. J'ai compris à présent. Tu sais, je m'accroupis près de lui. Enfin, je m'agenouille, pardon, à côté de lui. Et vraiment, je le... Tu sais, genre, je lui frotte le dos, mais vraiment avec un air paternel plutôt bienveillant, quoi. Et je lui dis, j'ai compris que c'était le dragon qui te faisait faire toutes ces mauvaises choses. Mais t'inquiète pas, c'est bientôt fini tout ça. Et là, ici, il jette des regards effrayés à l'Orakim, quoi. Bah moi, j'ai le visage fermé, puis je hausse les épaules, l'air de dire, bien. J'ai essayé, mais ça prend pas. Donc tu vas mourir, désolé. Il y a Jasmin qui a déposé tous ses petits pots de liquide sarcomantique. Il nettoie ses aiguilles. Et donc il s'apprête à. Il vous demande en fait de. Il faudrait que vous déshabillez. Enfin, que faut le mettre torse nu, le gamin. Il faut le laver et puis le maintenir, quoi. Pour qu'il soit le plus possible immobile pendant l'opération. Bah, moi, j'entreprends de faire ça. De ce que je vois, ça va être une opération correcte. Il n'y a pas de... Après, il a quand même plus ou moins nettoyé ses outils et tout, donc ça va pas être trop dégueu. Après, c'est une opération sarcomantique, donc en quoi ça va consister, c'est difficile à savoir, quoi. Il va manipuler sa peau, quoi. Mais non, mais il n'y a aucun souci. Regarde-moi, quand j'opère sur 256, tout se passe bien. Bon. Alors, j'ai déplacé tes organes, tout s'est bien passé. Bon, alors. Et un peu et donc, froid à la science moderne, quoi. Ça roule. Donc, Jasmin se met lui aussi torse nu, en fait. Et avec le liquide, il assouplit la peau de son dos, puis celle de notre ami Ishii. Et en fait, il finit par lui retirer la peau du dos et il met la sienne à sa place. En fait, il se met le tatouage de dragon dans son propre dos. Ouais, je trouve ça un peu bizarre. Enfin, je comprends pas trop pourquoi il voudrait se foutre une telle malédiction sur le dos, mais je lis rien. C'est qui le tient, Ishii ? Bah, c'est moi, a priori, je pense. Mais pareil, hein, quand je dis je le tiens, c'est pas genre je le maintiens violemment, c'est en essayant justement, tu vois, de le rassurer. J'arrête pas de lui dire tout va bien, t'inquiète pas, c'est bientôt fini. En fait, c'est difficile à dire, mais vous sentez que en le prenant le dragon, il y a aussi pris son ki, quoi. Je pense, l'Orakim, tu dois être particulièrement sensible à ça. C'est-à-dire que si on regarde comme ça en visuel, on se dit, bah voilà, il a une nouvelle peau et tout est nickel, quoi. Mais visiblement, le dragon, il est parti avec tout le ki du gamin, quoi. Donc, on sent déjà que le gamin est plus faible qu'avant. Et il va sans doute aller en s'amenuisant au fur et à mesure, quoi. Il va s'affaiblir au fur et à mesure. S'est fait siphonner son ki par le dragon, quoi. Et tu vois le dragon dans le dos de Jasmin, il est plus grand, plus mobile qu'avant. Ouais, quand je comprends que le ki a été siphonné, je secoue la tête puis je vais attendre dehors, quoi. Ok, ouais. Bah, y a Ishii qui te regarde partir en écrasant une larme. Ça, c'est bon pour ça. Ok. Du coup, vous allez, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir les matons ou... Bah, en tout cas, moi, après, je ressors, quoi. Je laisse Ishii en convalescence, tu vois. Je vais lui dire, papa va aller sauver ton frère, et puis je m'en vais. Enfin, je m'en vais avec tout le monde, hein. Je laisse pas quelqu'un dans ma boutique. Dehors, il y a des affiches, en fait, pour un opéra. C'est quand même vraiment pas ordinaire, en fait, dans le genre de... Ça s'appelle l'Opéra perdu de Wagner. Bon, j'ai entendu parler. En tout cas, Wagner, ça n'a pas l'air très communiste. Hein. Après, je vous rappelle juste que pour info qu'on est en Allemagne. Hein, donc, Ah oui, c'est vrai. Putain, j'ai lu l'Atlas en plus, je devrais le savoir. À part le fait que vous parliez en allemand, c'est vrai que c'est pas facile à s'en rendre compte parce que tout le monde est asiatique dans le patin. Mais par exemple, la lingua franca, c'est l'allemand, quoi. Vous parlez allemand, quoi, entre vous. D'accord. Communiste. Du coup, Wagner, il y a moyen qu'on en ait entendu parler, quoi. Comme vous voulez, hein, parce que c'est quand même un truc. Pour le coup, c'est vraiment un gros fantôme du passé, quoi. Hein, avec l'oubli, tout ça. C'est à vous de voir si vous êtes du genre à vous être intéressé à la musique classique de l'âge d'or ou pas, quoi. Oui, non, trop ou pas. Hein. Moi, j'en ai probablement déjà entendu sur la radio de la mémé, ah, mais. Oui, dans la radio, effectivement. J'ai jamais tilté que c'était Wagner. Hein. Ouais, ouais, ok. Ouais. Bon, la musique, c'est anticommuniste, hein, de toute façon. C'est bien connu. Sauf la musique des bottes. Ah, et la botte musique, ça va être particulièrement... Ça, c'est du 8 bits. Ah non, la musique des bottes, des bruits de oui, bottes. Oui, non, pas la musique de... Bon, on va s'occuper de ma famille. Ouais. Ouais, du coup, on va pas. Bon, bah, du coup, toi, si j'ai bien compris, mon cher Haroun, tu vas voir les matons. Et puis, de ton côté, Laura Kim, on va voir ta famille. Donc, du côté de ta famille, bah, en fait, quand vous arrivez, il y a. Comment tu vois, il y a les. Quand vous rentrez dans la cellule, il y a. Il y a tes deux parents en fait qui sont en train de prendre leur petit déjeuner à la lampe frontale. Ils font pas trop de bruit pour pas réveiller notre chère pour pas réveiller ta grand-mère. Donc c'est toujours le même schéma quoi. Ils se réveillent ils déjeunent à la lampe frontale, ils font le moins de bruit possible, ils partent sur le chantier, ils reviennent beaucoup plus tard, ils s'endorment, ils se réveillent, lampe frontale, chantier, sommeil. Nao, elle est toujours accrochée au radiateur. Non. Elle est où? Elle n'est pas là. Je m'assois à table en face de mes parents et je leur demande Nao. Bah Nao, écoute, on l'a pas vu quand on est rentré, elle n'était pas là. On peut pas trop traîner, en fait, il faut qu'on soit sur le chantier, on va être en retard. Il n'y aura pas de chantier aujourd'hui. Ah bon, il y a eu un accident En quelque sorte, ouais. Et... Vous deux, vous avez péri dans l'accident. Mais... Qu'est-ce que tu veux dire, ma fille Jasmin, ici présent, va... va vous offrir une nouvelle vie à chacun. C'est à cause de tes activités. Qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'est-ce qu'ils savent en fait, sachant tes activités justement? Ouais, ils savent que je bosse pour les triades. Et que je fais des trucs qu'il vaut mieux pas qu'ils savent, qu'ils sachent. Ok. Dans l'ensemble, ouais. Que c'est dangereux, que ouais. Voilà, moins ils en savent, mieux c'est, mais que la thune que je ramène ou les trucs que je ramène, c'est, ça a un prix, quoi. Ouais, ça se voit sur le visage de tes parents qu'ils ont compris et qu'ils vont pas faire des difficultés. Mais tu vois, la difficulté, elle vient de peut-être la personne dont tu serais pas attendu, c'est ta grand-mère. Tu vois, son visage, il est très fermé, quoi. Ouais, je croyais qu'elle dormait. En fait, elle faisait semblant de dormir. Et tu l'as vu se redresser, puis écouter, quoi. Puis avoir une tête des jours graves, quoi. Grand-mère, si tu n'approuves pas le changement, tu peux rester ici. Non, non, mais il s'agit pas de moi. Il s'agit pas de moi. Mais Nao, tu peux pas lui faire ça. Je regrette, hein. C'est moi qui lui donnais ça, sa liberté. Elle va se foutre en l'air si je fais pas ça. Et elle aura pas une deuxième chance. C'est ce que je vous donne à chacun, là, une deuxième chance. Écoute, je vais te montrer ce qu'elle fait et tu comprendras que c'est compliqué pour elle de lâcher ce qu'elle est en train de faire, quoi. Tu veux bien que je te montre, hein? Je veux bien voir, oui. Et du coup, elle fouille dans ses ustensiles de cuisine. Elle sort des fioles qui contiennent des sangs subsifiques. C'est pour se connecter en fait en réalité virtuelle, quoi. Et donc, elle t'en tend une pour que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Bah, je me la mets dans le cou. Ok, ouais. Donc, c'est douloureux et tout. C'est sans doute de la mauvaise qualité. Donc, au début, tu te retrouves dans ton palais mental. Là, après, ta vision est encore obstruée par des veines rouges. Et en fait, bon, bah, là, il y a soleil rouge, bien sûr. Et puis, t'entends la musique en fait, qui vient d'une toute petite porte. C'est quel genre de musique? C'est des violons. J'entrouvre la porte pour y jeter un œil. Et en fait, tu vois comment. C'est une loge en fait. Comment c'est une loge d'artistes, mais vraiment minuscule. Genre, elle fait 1 mètre carré, quoi. Avec les grosses ampoules autour du miroir. Et il y a plein de déguisements, tout ça. Comment elles sont trois filles. En tenue de danseuse classique, avec les en train de et en train de d'enfiler leurs escarpins de danse, quoi. Leurs escarpins, oui, c'est ça, si on dit escarpins, des ballerines, oui, c'est ça le bon terme. Et en fait, il y a ta sœur, quoi. Donc, tu vois, elle fait des exercices de respiration, elle a l'air très concentrée, ses yeux sont jaunes. Et la musique, en fait, il y a, y a une porte qui mène vers un endroit où la musique se fait de plus en plus forte, quoi. Et elle compte en fait les secondes, ça, en attendant que ce soit son tour de passer, quoi. Et du coup, je pense que j'avale la boule qui est en train de se former dans ma gorge, puis je rentre discrètement, puis je me mets dans un coin en attendant de pour la voir en fait, pour la voir se produire. Ok, ouais. Alors, ouais, je pense que la seule option discrète que tu as, c'est de te planquer derrière un des rideaux de cette minuscule loge, quoi. Et elle rend, en fait, elle passe dans la salle suivante, quoi, dans le parquet espèce de parquet de danse, en fait. Donc, c'est une salle de. Comment c'est une estrade, mais vraiment minuscule, quoi. C'est-à-dire même que c'est une réalité virtuelle. En fait, l'endroit fait, je sais pas, ça fait même pas la taille de, ça fait quelques mètres carrés. Il y a pas 20 mètres carrés, il y a moins que ça, quoi. Ouais. Et donc là, il y a, si tu veux, il y a tout un, il y a tout, il y a tout un petit orchestre. Il y a une chanteuse d'opéra qui se met en costume, qui se met à entonner un air vraiment vibrant. Et en fait, en tant que première danseuse, il y a Nao en fait qui s'élance sur la piste et qui danse en fait devant elle. Et t'as le public en fait, ils sont. Il y a pas de gradin en fait. C'est comme s'il y avait que des loges, tu vois. Et en fait, il y a un mur de loges devant, quoi. Il y a aucune profondeur, quoi. Les gens sont vraiment agglutinés, du coup presque à quelques centimètres, hein, de la danseuse, quoi. Et le fait un peu étrange, c'est que la plupart ont quand même des jumelles, tu vois, pour ne pas louper une miette du micro-spectacle qu'il y a devant eux et tout. Et la musique fait tout trembler tellement elle est forte, tellement l'espace est réduit. Tu sens qu'il y a une masse d'égrégore vraiment importante qui fait tourbillonner l'air, quoi. Et tu vois que ta petite sœur, elle est vraiment extrêmement douée à ce qu'elle fait, quoi. Ça arrache des larmes aux spectateurs, aux spectatrices. Elle compris tous le risque de se connecter via des réalités matricielles vérolées pour venir voir ce spectacle unique. Et qu'est-ce que tu fais? Rien, enfin je regarde le spectacle et puis quand il se termine je reviens à ma grand-mère quoi. J'arrache la sangsue qui est dans mon cou, je la lui fourre dans les mains et je dis à Jasmin de s'occuper de mes parents, je serre les mains de ma mère et je quitte l'appartement parce que je voudrais pas savoir à quoi ils vont ressembler, quel va être leur nom, etc. pour éviter qu'on puisse remonter à eux. Il y a ta grand-mère qui fait embrasse-moi une dernière fois. Et je la serre dans mes bras aussi. Et elle te serre très fort. Elle fait je servirai à rien. Vas-y, prends ce qui me reste prends ce qui reste de mon ki. Alors là, j'écarquille les yeux parce que je pensais pas qu'on ça arriverait si tôt, ce moment-là. Bah ouais, mais en fait le truc c'est que tu l'abandonnes, quoi. Ben ouais. Et C'est pas ce qui était prévu. Je la serre dans mes bras et puis du coup bah, ouais j'aspire le ki ce qui reste du ki de ma grand-mère et je l'assimile comme j'avais promis que je l'assimilerais quoi. Donc je pense que plus ça va, plus elle se dessèche en fait. Et elle se Tu l'avais dessèche. promis autre chose, je crois. Bah, je devais l'assimiler. Hein. Ouais. T'as pas dit que tu devais la manger aussi? J'avais dit ça pour déconner. C'était pour dire que j'avais dit alors, je mange même. Tu peux jamais me dire des trucs pour décoller. Tu vois, je prends tout au pied de la lettre. Hein. Tu vois, j'avais bah, déjà... il avait prévu tout le scénar autour de ça, Eugénie. Ouais, voilà, je suis désolé. Okay. Hein, il va okay. falloir... Et bon, bah... si t'as un petit creux, il faut faire de la place. Ok, ok. Et du coup, bah, donc, j'aspire son ki, elle se dessèche complètement, elle se lyophilise. Et ce qui en reste, en fait, je commence à sortir un mortier de la minuscule kitchenette qu'il y a, et je commence à travailler pour la réduire en poudre, en fait, et pouvoir l'assimiler comme ça. Il y a tes parents en fait qui sont assis et qui te tournent le dos parce que c'est un petit peu l'ordre que tu leur as donné quelque part, parce que tu t'as dit que tu voulais pas les voir. Et il y a Jasmin qui commence à travailler leur visage pendant ce temps-là, quoi. Et tu sens que ils se font violence en fait pour pas se retourner. Bah du coup je leur tourne le dos moi aussi, je pense qu'on doit être dos à dos et j'essaye de faire en sorte que les Je pense que j'arrive pas à contenir, donc il y a quand même des larmes qui coulent et qui vont se mélanger à ce que je suis en train d'écrabouiller de ce qui reste de mamie, et puis du coup ça fait une pâte, quoi. T'as combien en ruche, hein? J'ai 3, je crois. Alors je te propose, soit tu gagnes plus 1 en ruche, ou alors tu te rajoutes un nouveau livret qui correspondrait un petit peu au dernier renseignement que te transmet ta grand-mère, en fait, via son ki, que tu préfères. Un nouveau livret, c'est-à-dire ? Un nouveau livret, une nouvelle action de livret, quoi, c'est-à-dire un nouveau move, quoi. Soit tiré de ton livret, soit tiré d'un autre livret de personnage, quoi. Je vais aller taper dans le déviant, attends. Ok, déjà que tu l'as piqué en brigadé. J'avais vu un autre truc qui avait l'air cool. Je vais prendre chamanisme. Ok, ça roule. Ouais, peut-être qu'elle avait ça, elle savait faire ça en fait. Ces histoires de qui, etc., je pense que c'est le dernier enseignement de mamie. Bah oui, en plus, je t'appelle Laura Kim, elles sont des origines coréennes, donc les chamans coréennes sont assez réputés. Impeccable. Et je quitte la pièce en emportant à la main le tout petit poste radio de ma grand-mère. Ok. Si jamais ça te fait de la peine de quitter tes parents et ta sœur, tu encaisses des dégâts. Ouais, vas-y. Bah vas-y, dis-moi combien t'en prends, quoi. Eh ben je vais en prendre 3. Un pour mes parents, un pour ma grand-mère, un pour ma sœur. Ok. Et je sais pas où c'est, à quoi ça correspond. À quoi ça correspond, j'vérifie ça. Sur la feuille des personnages, blessures. Tac, du coup, t'as moins 3 blessés. Pour récupérer, il faut que tu te fasses soigner par un pro. Ok. C'est-à-dire que t'as un malus de 3 à tout EG tant que t'as pas réglé ce problème-là. Ça roule. Si tu te prends un dégât supplémentaire, tu tombes dans le coma. Est-ce qu'il ne faudrait pas pour baisser le niveau des joueurs? Ah bah ouais, bah non, mais il y en a marre que vous fassiez des 10 plus tout le temps, quoi. Ça me saoule, quoi. Impec, donc du coup, t'es sorti, tu sors de chez toi. T'as pris quelque chose en partant ou t'es sorti sans affaire Bah, je suis parti avec le. Ah oui, si tu m'avais dit. Le poste radio de ma grand-mère. Oui, ok, impeccable. Et au passage, dans la rue, si je recroise une affiche de l'opéra machin, je l'arrache et je la garde avec moi. Impeccable. Ok, considère que c'est fait. Est-ce qu'on fait Haroun qui va voir les matons? Enfin, faire voir que t'as peut-être prévu de jouer autrement. Peut-être, c'est à toi de me dire si tu joues selon leurs règles ou si tu dis que c'est tes propres règles. Déjà, attends, moi je suis toujours avec 256 du coup. Je ne te quitte plus maintenant que tu me donnes tes ordres. 256 qui n'a toujours pas de main, quoi. Hein. Enfin, si tu as récupéré des mains, mais il faut les greffer, quoi. Oui, bah on va peut-être faire ça d'abord parce que je pense que je vais en avoir besoin de ces mains à 256. J'ai des pics maintenant, ça marche pas mal. Bon, ils sont un peu tout rouges maintenant, mais tout ensanglantés. Il y a des viscères dessus. Ok, donc tu lui mets des jambes, tu rajoutes des jambes et puis des mains? Attends, pourquoi? Mais non, c'est pas moi qui fais ça. Bah, ce sont qui alors? Je croyais que c'était le boulot de. Ah non, il lui a juste filé, Ah, il lui a pas. Jasmin, il a juste fourni le matériel, il a fourni les pièces, c'est tout quoi. Ah putain, d'accord. Et toi, tu dois faire le boulot, comme d'habitude, tu vois. Bon, Oh, boum! ok, 256. Oui. Le communiste te regarde dans les yeux quand tu travailles. Je suis prêt à t'aider, mais cette fois-ci, ça va pas être gratuit. Comment ça ne va pas être gratuit? Si je te greffe tes nouveaux L'argent membres. est une mauvaise chose. Tu dois écrire une lettre d'amour communiste qui L'argent délivrera à l'oracle. trouble les intérêts du peuple. Mais ce ne sera pas de l'argent que je te demanderai. Que veux-tu de moi? Un service. Un service. Je ne Ce même que pas. tu as fait au ma... Ce que tu as fait au maton tout à l'heure, Oui. je veux que tu fasses la même chose aux autres. Aux autres qui? Aux autres matons, et que tu récupères mon fils. Cela me paraît acceptable. J'allais dire top là, mais en fait, non. Attends, Je c'est trop dans les moments. monte mon bras comme ça avec juste la pointe là qui sort. Okay. Bien. Bah, du coup, je vais me mettre au boulot. Enfin, je sais pas où. Bah, dans ton atelier, je sais pas. Ouais. Oh ouais, non, mais comme. Ouais, donc. Du coup, je te ramène à l'atelier. C'est visible là, comment. Bah, de toute façon, vous y êtes toujours, vous l'avez pas quitté, quoi. Enfin, vous l'avez pas quitté. Quoi? Bah, vous étiez juste devant, vous êtes arrivé dans l'atelier, vous avez vu l'affiche. Ouais, c'est ça, enfin, effectivement. Ouais. Vous avez vu l'affiche, et après Jasmin, il a opéré ici, dans l'atelier. Enfin, vous êtes resté, je pensais pas que vous étiez suivi l'Orakim, en fait. Non, non. Enfin, moi, non, en tout cas. Non. Ouais. Moi, je suis resté avec mon sauveur. Un nouvel ami. Avec mon sauveur. Dis voir, mon cher Haroun, c'est visible là, comment? Parce qu'il me semble que toi, tu avais un bras de transparent, et transparence, donc c'est les robots de la chaîne de fabrication de 256. Tu avais un bras de transparent qui sortait du bordel ambiant là. Il est visible Tu veux dire, si quelqu'un arrive dans la boutique, est-ce qu'il est visible? Bah, genre, est-ce que 256 peut le voir ou l'a déjà vu, Un quoi? peu. De quoi? Oh. Voir quoi? J'ai pas Non, non, compris. c'est rien, fais pas attention. Oh bah, j'allais dire oui parce que c'est plus rigolo. Donc j'ai vu quoi? Ouais. Bah, peut-être quand il déménage un peu le bordel pour libérer, parce qu'il y a toujours un. Je suppose qu'il y a toujours quelque chose sur ta Il y a ta toujours table quelque de chose. travail, il y a Ouais, toujours ouais. du bordel. Donc, il pousse des caisses, il y a une caisse qui tombe, qui s'ouvre, et il y a un bras de transparent qui en sort, quoi. Et ça me dit quelque chose, ce bras transparent? Bah, t'es un transparent, je te rappelle. Pas totalement. Je suis. Oui, bah maintenant que t'as des jambes humaines, c'est sûr, quoi, mais. Non, mais je suis un peu fumé, tu vois. On voit pas l'intérieur de mon corps. Oui, bien sûr, mais c'est comment les transparents, c'est le nom de ta lignée, quoi. Y a pas, il vient de, ça vient de la même chaîne de fabrication que toi, quoi. D'accord. Et tu as le numéro du bras, d'ailleurs. Comment tu as un numéro sur ce bras? Est-ce que tu te rappelles, c'était qui, en fait? Ouais, c'est comment, 113, par exemple. Ouais, bah 113, c'est 113, tu vois. Moi, j'avoue que j'ai pas de vision purement humaine de comment dire, de T'as pas nostalgie de... par rapport à mes anciens camarades de Ouais. fabrication. T'as pas de souvenir de 113. Ok. Non, mais je peux avoir des souvenirs, mais pas des souvenirs comme un humain pour en avoir. Ouais, peu importe quoi. Qui sait? Ouais, t'as aucun attachement à 113 en tout cas. Exactement. Donc, je n'ai aucun attachement à personne. Ça roule. À part au Ouais, Covid. bien sûr. T'as aucun attachement à personne, même pas à Soleil Rouge du tout, quoi. Je n'ai pas d'attachement à Soleil Rouge. Mais bon, on ne va pas faire ma philosophie, ma psychologie ici, quoi. Un attachement à ce qu'elle représente, tu vois, au symbolisme. Non, mais je fais comme si je ne l'avais pas vu. Ça roule. Mais tu l'as vu. Oui, Donc tu fais un petit bricoler un truc, mon cher Haroun? oh ben, oui. Et puis mon cher, comment, mon cher 256, tu me feras un assimilé à un corps étranger de ton côté. Alors, assimiler un corps étranger. Attends, attends, attends. D'abord, faut que le corps étranger, faut que je le fasse. Ouais, faut déjà que tu le mettes dedans, quoi. Donc 2d6 plus tech, hein, c'est ça, j'imagine. Ouais. Ouais. Alors... C'est un 7. Ah bah voilà, tu vas être content. Eh ben ouais. Encore une. C'est Alors. réussi, hein. Ouais. En fait, les comment? Il te faut, il te manque juste un truc pour comment pour greffer en fait les bras, les jambes là. Ouais. Et juste, est-ce que tu t'en rends compte alors que tu as déjà enlevé les jambes ou est-ce que tu te rends compte avant? Non, je me rends compte après, évidemment. Ok. Parce qu'en fait, c'est des vieux souvenirs. C'est-à-dire qu'il y a une. En fait, tu te rappelles comme tu as fabriqué. En fait, tu as participé à la fabrication des transparents. Et tu te rappelles que il faut. Comment? Des espèces d'insectes robotiques. Qu'on doit clipser pour débrancher une sécurité parce que sinon en fait on peut pas hybrider deux transparents les uns avec les autres. Mais oui, comment j'ai pu oublier ça, franchement? Mais c'est pas compliqué en fait, suffirait de retourner dans le labo dans l'usine des transparents qui est dans un bunker au fond de la jungle. Ah ouais, aucun problème donc. Voilà. Ok. Mais tu peux noter, tu peux faire une retenue qu'une fois que tu as retrouvé ça, tu t'arriveras à lui greffer ses bras et ses jambes sans faire de jet de dés. Ça marche. Mais donc là, je peux pas le faire. Non, tu peux pas le faire parce qu'il te manque les petits insectes pour déverrouiller la sécurité. Je remarque que c'est lui qui rate et que c'est moi qui subis les conséquences. Ça arrive Ouais. souvent. C'est on vit dans un. Bah, en fait, le problème, c'est que t'es le truc qui doit bricoler, donc effectivement, si c'est un échec. Je remarque, ouais. Tu es ma chose. C'est pas la première fois que ça arrive, quoi. Ouais, c'est Non, dur la c'est vie vrai. d'artifice. Bah, je te regarde avec un air sincèrement désolé, quoi. Et je te dis, mince, bon, 256, je vais te remettre tes jambes pour le moment parce que, bon, en fait, je t'explique le problème, quoi. Enfin, tu vois, genre, bon, il faudra être un peu patient, quoi. Ouais. Bon, tu lui remets les jambes, je te demande pas de GD, mais je vais te demander un petit assimilé à un corps étranger quand même, mon cher homme. Alors, c'est déjà les jambes que j'avais déjà assimilées. Il faut que je les assimile à chaque fois qu'il me les remet. Ah bah elles ont été ressorties, ça se trouve, elles se sont chopées une vérole. Je rappelle juste que l'atelier d'Arun est quand même particulièrement. C'est quoi, c'est du bio ou ouais. Oh non, non, non. Alors là, je peux pas te laisser dire ça. Je le nettoie au moins une fois tous les trois mois, franchement. 7. 7. Alors. Ah bah alors, pourquoi je le trouve pas? Assimilé. Ah bah c'est dingue ça. Ah oui, non, je sais pourquoi. Pardonnez-moi. En fait, effectivement, il doit y avoir, comment, il doit y avoir une vérole un peu spéciale parce que quand tu mets les jambes, elles se transforment en fait en jambes de cerf. Ok. Oups. Le roi de la vérole. Okay. Moi, 256, quels sont tes... Est-ce que ça marche correctement? Je veux dire, est-ce que ça me gêne pas? Non, non, non, c'est, tout va bien, quoi. Rien à battre. C'est bon. Ben voilà, aucun problème. Les animaux, c'est pas anticommuniste. Ah ben ça, tu viens peut-être d'allumer une étincelle meurtrière dans son cerveau. Il est évident que tant que le travail n'est pas fait, comment dire, le marché ne peut pas se concrétiser. C'est assez logique. C'est logique. Alors, vous allez faire du trekking dans la jungle hein? Oui, oui. Ben, putain, ça commence à être compliqué tout ça. Je regarde Arun en fait et je dis, est-ce que tu penses que tu peux t'occuper des matons en cet état? Tu t'es regardé toi-même. Tu t'es dédoublé. Oh, putain, oui. Je regarde 256, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Oui, je peux m'en occuper. Mais qu'est-ce qui me dit que tu tiendras ta parole? J'ai beaucoup de défauts, 256, mais j'ai toujours tenu ma parole. Ouais. Ça, je le dis avec une conviction d'autant plus profonde que je sais que c'est vrai. Enfin, en tout cas, que je pense que c'est vrai. Ah oui, les yeux dans les yeux, monsieur 256, je vous le dis. Je tiendrai cette promesse. Ouais, ouais. Du coup, tu vas voir les matons en 256 ? On y va ensemble, je crois que je ne suis pas tout seul. Ah oui, oui, on y va ensemble. Ouais. J'imagine que quelque part dans mon atelier, j'ai une arme ou un truc qui traîne, qui peut servir d'arme, même si je ne sais pas forcément bien m'en servir, mais au moins pour me donner une contenance, tu vois. Ouais, qu'est-ce que tu récupères qui ressemble le plus à une arme ? Oh bah on va faire classique, hein, un espèce de grosse clé, tu vois ce que je veux dire, comment ça s'appelle, clé à molette, machin. Ouais, tout à fait, ouais. L'arme de Teki de base, quoi. C'est ça. Bah ouais, écoute, je suis un cliché, j'assume. C'est bien. Bah, ça sera peut-être moins cliché quand ton arme se transforme en cafard ou ce genre de truc, quoi. Bon. Donc, comment vous procédez pour les matons? Parce que c'est en fait. Vous avez une adresse. Vous avez une adresse puisque vous avez été convoqué. Donc, ils ne sont pas compliqués à trouver en fait. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, 256? Je sais pas. Soit on fonce dans le tas et on tue tout le monde. Soit on fonce dans le tas et on tue tout le monde. Je sais pas. Bah écoute, tu voudrais pas plutôt foncer dans le tas et tuer tout le monde? Allez, ça me convient. Allez, on va faire ça. Je suis dégoûté que vous m'invitiez même pas pour ce truc-là. Bah écoute, toi, t'as le truc à faire avec ta famille, nanana, c'est personnel, vous pouvez pas venir, bah voilà, hein, faut pas râler après. J'ai toujours pas de moyen pour vous contacter en plus, donc c'est vrai que quand vous êtes partis chacun de son côté, ça devient compliqué. Bah non, je leur ai proposé de leur greffer des micros intégrés, ils n'ont pas voulu. Bon. Donc je me sers donc de mes deux pics qui sont à la place de mes mains, parce que j'ai plus de mal depuis un certain temps. Et je donne des coups maintenant j'ai des nouvelles armes, vu que j'ai des jambes de cerf, ça fait mal ça. Quand tu t'en prends dans les ouais, tu peux ruer. En effet. Enfin, ouais. Et puis... autant pour moi, parce que ruer, il faudrait que tu utilises tes deux jambes, donc c'est gars. Ah, non, je m'en sers avec le sabot là, un coup de sabot ça fait mal. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Bon ben je massacre à tour de bras. Alors donc ouais, vous arrivez chez les matons que vous avez prévu de massacrer à tour de bras. Donc c'est en fait l'endroit où vous êtes, comme l'endroit où vous arrivez, c'est une sorte de comment c'est à la fois effectivement un repère de matons, donc il y a une entrée, il y a une porte avec une herse. Et un gars qui monte faction. Et c'est aussi, il y a tout un mur en fait de four. Enfin, comment c'est un crématorium. En fait, ils brûlent les morts, quoi. Ouais. Il y a plein de. Les couloirs sont remplis de brancards avec des morts couverts de fleurs, quoi. Et donc ils les mettent dans les fours un petit peu comme ça, un peu à la chaîne, il faut bien le dire, quoi. Et donc, toi, t'arrives, tu perces le bide. Comment tu perces le bide du premier garde en laissant Haroun ouvrir la herse de son côté. Ouais, bah ouais, on y va. On y va. Comme si on ne pouvait pas mourir. Impeccable. Bah vas-y, tu me fais ton machine vivante et puis Haroun, tu me fais bricoler un truc. Yes. À toi l'honneur, mon cher 256. J'ai pas compris là. Bah, enfin, j'ai suggéré une façon de faire, hein, mais en réalité, vous faites bien comme vous voulez. Hein. Parce qu'il y a une herse à ouvrir aussi, quoi. Bon, bah, moi, j'ai tué des gens. Mais... Allez, vas-y, fais ce que tu sais mieux faire. Non, mais c'est ce que je sais mieux le faire. Je fais passer le communisme à coup de pique dans le ventre. Allez, Blarch, un petit 2d6 plus tech, là. Non, mais c'est fait, hein. Bah, combien t'as fait? 12. Un truc en plus? Hein? Est-ce que t'as un petit bonus du fait ou c'est juste tu le gardes ou est-ce que t'as un bonus À chaque garde, il faut que je le passe ou c'est un truc global? C'est ça la question en fait. Je pense que t'auras droit une autre fois quand même au moins. De l'autre côté de la R, les choses se passeront peut-être différemment. Non, mais mon bonus c'est que personne s'en aperçoit quoi. Voilà, comme ça. On aura... Ok, très bien. Ouais. Attendre pour rentrer sans qu'on soit attendu. Ouais, on va casser le matin. Les gens pensent que le garde se repose contre un mur, quoi, alors qu'en fait, il s'est fait transpercer de toutes parts. T'as fait ton bricoler un truc, mon cher Haroun ? Non, j'attendais de voir de son côté. Donc du coup, 2d6 plus tech, bim, 12, allez. Okay. Je te laisse dire ton truc en plus, s'il y en a un. Si je vous entends rien dire, je proposerai les options. Ouais, je veux bien des options là, comme ça je vois pas. À part le faire discrètement, effectivement. Il y en a un qui est assez logique, c'est tu développes ta connaissance des systèmes de sécurité, retiens un +2 la prochaine fois que tu bricoles un truc dans le but de chourer une mobilette, ouvrir un coffre, craquer un code, voler un animal, ainsi de suite. Alors, le truc, c'est qu'en fait, je me rends compte que ça, je l'avais déjà. Donc, en fait, je suis pas à 12, je suis à 14. Ah non, parce que du coup, tu l'as pas utilisé, comme tu n'en avais même pas connaissance. Ah oui, c'est c'est ça. Bah, du coup... Ouais, tu l'as déjà, c'est pas hyper sympa. Tu pourrais avoir quoi Alors, je propose un truc, mais c'est peut-être un peu bourrin. Ouais. Est-ce que, du coup, tu pourrais autoriser que j'en ai... éventuellement un contrôle, tu vois, un peu à distance, genre comme ça, s'il y a quelqu'un qui arrive, je ferme la porte sur la gueule et puis voilà. Ouais, ok, très bien, ouais. Tu mets la porte en Bluetooth, quoi. C'est ça. Je suis la porte, je suis la clé. Donc, vous passez en fait dans ce qui ressemble à un petit couloir où il y a plein de comment bah, sur les côtés il y a des il y a des c'est vraiment space parce qu'en fait il y a des c'est des cellules et comment elles sont pas il y a juste une toute petite fenêtre qui permet de voir à ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, les portes elles-mêmes, elles ont été murées, quoi, couvertes de parpaings, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont bourré les cellules de gens. Et puis, une fois que la cellule était pleine, ils ont carrément muré, quoi. Et dans le fond, en fait, t'as une petite pièce ben, qui sert de local au maton, quoi. Ouais. Et donc t'as en fait t'as le quelqu'un avec un uniforme assez gradé il doit être au-dessus de la nana à la tête de coquillage que vous avez défoncé tout à l'heure quoi et il fait une tête assez triste parce qu'il est en train de se faire plier au poker par une espèce de vieux joueur professionnel de triade qui est là avec un il a un ustici sur le dos et visiblement il vient de défoncer en fait le lieutenant de la prison au poker quoi. Il va faire un regard encore plus triste parce qu'il va se faire défoncer tout court dans quelques secondes hein, donc il doit arriver. Ah, Arun, vous êtes venu récupérer votre fils. C'est ça. Bien, alors comment il y a le joueur de poker qui prend congé en fait discrètement. Ouais, il a embarqué comment il a en fait il a pris il se barre avec une poche de sang qui appartenait au lieutenant quoi. C'est le fruit de son gain en jeu. Et donc il fait bon, je vous explique la situation. En fait, on a besoin que vous fassiez un boulot pour nous. Et si vous en acquittez, on vous récupère Rény. Alors, je vous explique la situation. Vous allez me rendre mon fils, sinon vous mourrez. Et là, il montre un petit... c'est un petit appareil avec un bouton qui tient sa main, quoi. Mmh. Je vous explique la situation. Si vous faites du chantage sur moi, je déclenche une pousse de bambou dans la cellule de votre fils. Et donc c'est lui qui mourra. C'est un job simple, hein. Franchement, vous avez aucune raison de refuser, quoi. Soyez raisonnable. Soyez raisonnable. Vous demandez ça au type à qui vous avez kidnappé son fils pour qu'il fasse une mission pour vous ? Ouais, je suis désolé, mais on a des preuves que vous faisiez des mauvais traitements et tout, hein, donc n'arrêtez pas de... Enfin, ne faites pas croire c'est que faux c'est tant que ça. J'ai toujours traité très bien mon fils. Ce n'est pas exactement la vérité. Ouais, hein, il t'amène... En fait, il y a une projection mentale du moment où tu as le plus maltraité Ni. Alors moi, de mémoire, je crois que ça ressemble à quoi ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans la première séance, tu as fait quoi ? Tu l'as battu ? Je ne sais pas. Est-ce que tu l'as battu ou est-ce qu'il a seulement eu des menaces ? Il avait juste des menaces, c'est-à-dire que je lui avais dit, genre en gros, tu sais, c'était l'histoire du passage secret, là, que s'il le trouvait pas... Ouais. Est-ce qu'il y a eu du coup, est-ce qu'il y a eu des scènes un peu plus dures en fait ? Est-ce qu'il y a des moments où tu l'as vraiment battu ? Ah oui, si, il doit y avoir des moments où je l'ai vraiment battu quand même. Mmh. Et en fait, du coup, il y a Ni planqué sous la table et il y a une espèce d'alter ego de toi-même qui est en train d'essayer de lui choper le bras pour lui donner des coups de clé à molette. Mais vous prenez une scène sortie de son contexte. Pourquoi tu tiens tant à cet enfant ? Alors, tu sais, ici, comment? Je peux sortir une autre preuve, hein. Bon, tu vois, mais bon, moi, je suis pas là pour faire votre procès, enfin, pour une fois, quoi. Votre Pourtant, à toi, il y a fils, de ça. il Ah, a c'est une pris la question main dans le sac en intéressante. train d'essayer de faire disparaître un cadavre. Donc, délit, article 5, alinéa bis, machin. Donc, il sort le code pénal un petit peu tarabiscoté. Attends, répète ce que tu viens de dire de 156. Pourquoi tu t'inquiètes tellement pour cet enfant? Tu as l'habitude d'en changer? Hein? D'habitude, Celui-là, il... quand il te fatigue, tu les fais disparaître. Alors celui-là, il avait disparu sans que tu en aies besoin. mais celui-là, il aille. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une raison suffisante. Je pense que tu nous caches quelque chose. Pourquoi veux-tu le garder? On parlera de ça plus tard, 256. C'est pas le moment. Ouais. Mais si vous voulez, on peut parler de votre ex-femme, hein. Là, je me retourne vers lui avec un air glacial. Pardon. Non, non, mais comment je disais ça pour meubler la conversation? Bon, vous acceptez le job ou pas, quoi? Quel est ce job? Alors, le job, en fait, c'est qu'on a besoin de votre équipe, hein. Pour dérober quelque chose, enfin dérober, non, c'est faux en fait. Vous auriez un mandat en fait. Vous auriez mandat pour réquisitionner un artefact qui est en la possession du chef de. Comment ça, Laura Kim s'appelle comment déjà ta triade? Est-ce qu'on lui a donné un nom? On lui a pas donné de nom. Mais ça peut être les chrysalides, j'aime bien. Ouais, en fait, comment il y a un objet qui est en possession du maître des chrysalides. Cet objet, c'est l'ouroboros, et donc on a besoin que vous le réquisitionniez pour nous et que vous le remettiez. Haroun, quelle est ta décision? On les tue ou on va chercher cet objet? Vous êtes en train de proférer une menace de mort contre un agent assermenté? Que pensez-vous de la collectivisation? Alors, comment il commence à parler à un cafard qui note tout ce que vous dites à la machine à écrire et il fait comment je veux que tout ceci soit rajouté au dossier. Notez que comment le citoyen 256 a proféré des menaces de mort à mon égard, suivies de propos incohérents. Vous n'avez pas répondu à la question. Que pensez-vous de la collectivisation? Vous me faites passer un test de Turing ou quoi? Je vois là un procédé, ma foi, très peu les niveaux marxistes. Je sens bien 200, que 256. la trahison est en vous. Trahissez 256. les préceptes mêmes du communisme. 256. Et ma rééducation finale est la mort. Tu vois, il y a le mec qui se resserre du whisky, il fait putain, j'aurais dû écouter ma femme et devenir riziculteur, quoi. Là, je me tourne vers 256 et je te regarde droit dans les yeux et je dis Les yeux sont plutôt posés sur le crâne du gars qui est en train de boire son whisky. Et il y a son bras 256, droit qui 250. bouge un peu imperceptible. Laisse-moi parler, bordel. 256 a raison. Pour vous, c'est la mort. Et tu vois, il comment C'est à ce moment-là que mon là bras se il a, il, comment il chope comment il empoigne vraiment son détonateur, il fait vraiment je vous le déconseille. C'est à ce moment-là que mon bras se tend et qui lui transperce le crâne. Bon, je vais bien faire Ok. un. Tu me fais une machine vivante. Les options de. On est en mort subite, hein, donc les options de 7-9 deviennent des options de 6 mois. 8. 8. Eh ben écoute. Plus, mais il se passe un truc négatif, c'est ça? Oui. Mais je sais très exactement de ce qui se passe. Oui, mais je sais moi aussi, mais c'est pas grave, c'est pas lui. Tu lui fais un magnifique troisième œil avec, avec ton, ton bras pointu là. Mais il a eu le temps d'appuyer sur le bouton. Et donc en fait, vous entendez une série de hurlements. C'est très très bref. Les hurlements durent une seconde quoi. Et flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, une pousse de bambou mortel. Ultra rapide. Et en fait, il y a le contenu d'une des cellules qui est entièrement, entièrement empalé par une centaine de bambous qui se sont mis à pousser à toute vitesse. Mais je me... Et en fait, à travers le mur de parpaings, en fait, il y a du sang qui se met à sourdre, qui sourd du ciment entre les parpaings, quoi. Ouais, du coup, je tombe au sol et il y a des pouces de sang. Ouais. Je lui tape doucement sur l'épaule avec mon pic. Avec ton aiguille. Je lui dis. Un de perdu, 10 de retrouvé. Voilà, je te réponds pas là. Je suis vraiment, je suis pas en état de répondre quoi. Et en fait, tu as toujours l'enregistrement et t'entends en fait que comme t'es à genoux, j'ai bien compris hein. Ouais. Du coup, tu vois Nick est là et qui essaye de comment qui se mange des coups de clé à molette. Il fait non, c'est bon, je le referai plus. Désolé. Ouais, là, je suis complètement je suis complètement prostré quoi. Il fait désolé. Je te dirai plus jamais. D'abord, t'es pas mon père. Oh mon dieu! Quelle horreur! Après, c'est à toi de me dire si c'est un vrai souvenir ou si c'est un faux souvenir, hein, parce que bon, lui, il a récupéré un enregistrement, à quel point c'est vérolé, à quel point c'est vrai. Ah non, c'est un vrai souvenir. Ouais. Et t'entends crac, le bruit des os en fait, sous la clé à molette. Est-ce que t'es assez en chagrin pour te manger des dégâts? Ah oui. Bon bah tu te coches autant de dégâts qui te paraît logique et tu récupères autant de points d'expérience. Alors les dégâts, c'est où? C'est dans les véroles, c'est ça? Ah, oui. C'est sur la feuille de personnage. Dis-moi juste combien tu prends de dégâts quoi. Je vais me prendre 3 dégâts. Dégâts, donc tu as moins 3 à tes GD. Tu dois faire appel à un pro pour te soigner. Et si tu prends un dégât supplémentaire, c'est commun. Ok, ça me paraît. Ça fait 3 pecs. Faites quoi, les amis? Moi, je le sors, tu vois, je le traîne à l'extérieur, vu qu'on a fini notre mission. T'es bien réussi, celle-là. Il y a le cafard qui arrête de taper à la machine et puis il allume la radio. Il y a une espèce d'air de bossa nova qui emplit l'espace. Oui. Allô, j'avais pas envie de parler. Je t'écoute. Je récupère le cafard avec sa machine à écrire. Le cafard, tu es super. Bah, t'as un magnifique animal de compagnie maintenant. Ça peut toujours servir si j'ai des lettres à écrire. Exactement. Bon, je te préviens, c'est des vraies pattes de mouche. Hein. Oui, pas de souci. Bah non, des pattes de cafard. vous êtes chiant hein, en fait. Là, vous avez complètement planté ma mission là. Non, on l'a pas planté, non, attends. On sentait bien qu'il n'y avait pas le temps, tu vois. On doit s'arrêter dans une demi-heure, on n'avait pas le temps. Non, mais c'est pas sérieux, quoi. Vous butez le commanditaire avant même que tout commence, quoi. Tu vois, à chaque session, on essaye des modes de scénario différents. C'est ça, des nouvelles combinaisons, quoi. Bah non, mais parce qu'en plus, j'avais une bonne raison de le faire. Hein. Je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. Ne pas menacer les les futurs travailleurs même avant même la diffusion. Ok, bon, bah, c'est pas grave, hein, on enchaîne, hein. Qu'est-ce que vous faites? Bah, là, moi, je suis vraiment une épave vivante, quoi. Donc, 256, je pense que t'es un peu obligé de me prendre sur ton épaule pour que... Ah, mais il a déjà un cafard. Ah bah ouais, oui, je sais. Le cafard, c'est bon. Non, je plaisante. Le cafard, il se gère tout seul. Je le prends sur mon épaule pour le balancer dans la jungle pour qu'il aille chercher un petit insecte. Ah, d'accord. Moi, j'ai fait ma part du travail, il doit faire la sienne maintenant. Ah bah oui, ça va bien se passer, vu mon état. Le communisme n'attend pas, monsieur. Et moi, je ne comprends pas les problèmes que tu as particulièrement. Hein, donc, d'ailleurs, je te le dis, je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans ces états. Quoi. Dans cet état. Pourquoi tu mets-tu dans cet état, hein, Haroun? Parce que même si tu avais raison... Je comprendrais si tu étais un humain. Donc, je ne suis pas un humain, je ne comprends pas. Il est temps pour toi d'aller faire ce que tu as dit que tu allais faire. Comme je l'ai fait, comme tu m'as demandé de le faire. C'est toi-même qui m'as dit que tu ne manquais jamais à tes obligations. Du coup, je m'éloigne dans la jungle sans un mot, mais tu vois, enfin. Je suis pas sûr que tu t'en rendes compte, mais vraiment avec une démarche tellement triste, quoi. Genre le vieil homme qui va à sa mort, tu vois, un truc de ce genre-là, quoi. Bon, je l'accompagne, moi. C'est un truc qui va me péter sous les bras, là. Ok. Donc, juste pour sortir de la ville, c'est pas ultra évident, parce qu'en fait, il y a des... Il y a des murs de béton avec des barbelés, tout ça, machin. En fait, les matons veulent pas que les gens sortent de la ville. Alors, vous allez me faire, tu vas me faire un petit jet de, ouais, infiltré, exfiltré pour ou couvrir dans tout pour sortir. Qui c'est, moi? Ouais, infiltré, exfiltré, ouais. Ok. Alors, attends. Ouais. Voir si tu t'échappes à la vigilance des snipers. C'est un 9. Alors, 9. Petit instant. Ah, c'est pas mal ça. En fait, comment il faut que tu te concentres vachement pour retrouver l'endroit du mur qui est le plus endommagé, puis en même temps pas trop couvert par les snipers, tout ça, machin. Mm-hmm. Donc du coup, tes sécurités personnelles sont un peu down pendant que tu fais ça. Et du coup, il y a quelqu'un qui infiltre ton palais mental. Donc ton palais mental, de mémoire, c'est ton propre atelier, mais super bien rangé, hein, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, il y a une femme qui fume des prospérités dans ton labo. Ouais. Et en fait, c'est comme là. En fait, elle ressemble beaucoup à la nana de la pub. Mais plus âgée, quoi. Plus âgée et puis plus fatiguée, désabusée. Et elle te fait. J'ai essayé d'arrêter, mais j'y arrive pas, quoi. Je vois que toi aussi, tu continues à remarquer. Il doit pas y avoir de mégots qui traînent, comme tout est bien rangé. Tu continues d'en fumer, toi aussi? Moi aussi, j'ai beaucoup de mauvaises habitudes que j'essaie d'arrêter. Écoute, Haroun, je trouve que tu te laisses aller. Comment ? Ce qui est arrivé à nos enfants, c'était pas ta faute. Si, c'était ma faute. C'était ma faute parce que j'aurais jamais dû accepter d'avoir ces enfants en premier lieu. Il n'a pas tort. T'es pas là, toi. Bah, c'est pas là, il est pas là, sauf s'il squatte. Hein. Oh, bah, je le laisse pas rentrer aussi facilement. Hein. Je dis, je ne te quittais plus. Je ne te quittais plus. Là, ça se passe dans son palais mental. C'est dans ma tête. Et bah oui, c'est bien ce que je dis, je ne te quitte plus. Ah, le cauchemar. Avec le cafard qui note tout ce qui se passe. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Non, je suis pas d'accord. Il n'y a pas un jet pour l'expulser de mon palais mental, là. Je sais pas ce que ça pourrait être. Plus bio, expulsion du palais mental. Méditer, non ? Expulser un corps étranger ? Expulser un corps étranger, c'est pas moi. Ouais, tu peux faire un méditer pour le sortir. Ok. Ah, attends, méditer, c'est du bio, hein, c'est ça ? Non, c'est du ruche. Non. C'est du ruche, ouais, trop cool. Allez, c'est parti. Ça va être grandiose. C'est un 9. Ok. Alors, un petit instant. Ok. Comment il commence à y avoir un signal d'alarme qui résonne, qui doit venir en fait des autres palais mentaux et du reste de la ville psychique en dehors de ton labo, quoi. C'est les matons qui font des perquisitions, choses comme ça. T'as l'impression que la ville est sur le bord de l'implosion psychique. Et donc la fille continue à te parler, hein. Mais du coup t'as pu expulser ce brave 256. Je reviendrai. Donc elle est obligée d'élever la voix en fait à cause des mégaphones et puis à cause du tac tac tac tac de la machine à écrire. Les autres ont raison. Offre-moi une cigarette, là j'en ai plus. Ouais, je lui offre une cigarette et je lui dis les autres ont raison. Il faut que j'arrête de m'apitoyer sur mon sort. Elle a le réflexe de te laisser l'allumer comme elle faisait avant, en fait, au début que vous flirtiez. Il faut que j'arrête de m'apitoyer sur mon sort et il faut que je devienne plus fort. Et pour ça, et je tire une bouffée sur ma cigarette. Pour ça, il faut que je me débarrasse des poids morts. Et c'est qui les poids morts ? Les poids morts, c'est les moyens de pression. C'est mes enfants. Et est-ce que nos enfants aussi étaient des poids morts pour toi ? Tu regardes vraiment d'un air désolé, hein. Ouais, bah là, je pense qu'il y a une larme qui naît au coin de mon œil, quoi. Et je lui dis, nos enfants, c'était différent. Justement, mon erreur, ça a été de chercher à recréer ce qui était unique. J'ai cru que je pouvais tout réparer avec mes outils, mais... Tu sais, je crois que je suis comme les choses que je répare, hein. Je finis par... prendre la crasse et me fragiliser. Peut-être que je finirai par me briser en morceaux. On pourrait aller de l'avant, peut-être se donner une seconde chance. Seconde chance avec un fantôme ? Je suis réel, nos trajectoires ont pris des chemins différents parce que tu voulais. Tu me supportais plus, mais le temps a passé. Il a aussi mal passé pour moi que pour toi. Hein. Tu disais que ça ne me touchait pas, mais c'est faux. Et elle tousse pas mal en fait. Et alors quoi, tu reviens vers moi parce que tes jours sont comptés? J'ai un cancer de la gorge. Bien sûr, on n'aura pas à nouveau d'enfants tous les deux, mais peut-être qu'on peut finir nos jours bien. Je suis dans la merde, tu sais. C'est pas mon plan que de te remettre avec moi. Tu penses vraiment être plus dans la merde que moi? Ce que je sais, c'est que si tu te mets avec moi, tes jours. Chaque jour, il y a une nouvelle emmerde qui me tombe sur le coin de la gueule. Mais ça, c'est parce que je suis obligé de faire de nouveaux sacrifices. Tu peux remettre de l'ordre dans ta vie. Hein. Ben, c'est ce que j'essaye de faire. Mais ça passe par des sacrifices et je veux pas que tu sois le prochain. Il y a le cafard qui passe à un air de bossa nova. Et elle te demande de danser avec elle comme au bon vieux temps. Oh, bon, je accepte, évidemment. Ok. Ah, du coup, il y a ta tenue de mécano qui tache sa belle robe rouge. Ça, c'est pas comme le bon vieux temps. Et puis, elle finit par se dissoudre comme la nana de la pub subliminale de l'autre fois. Ouais. C'est bientôt plus qu'une flaque rouge. Ok, tout ça pour dire que t'as passé, que vous avez passé la barrière, donc vous êtes dans la jungle. Je vais peut-être skipper sur le Rakim vite fait. Quelle heure il est là? Ouais. T'as fait quoi, ma chère le Rakim, pendant ce temps? Eh ben, j'ai été trouvée. Je cherche un médecin pour me patcher. Quelqu'un Ouais. qui soigne les blessures à l'âme. Ouais, impeccable. Je vais en avoir besoin aussi. C'est ton dire. Alors, ce serait quoi? Ce serait Tu as recruté du personnel par hasard? Je crois pas. Non, moi, j'en brigade, je recrute pas. Ouais. Bon, ça va être un questionner la ruche alors pour trouver la personne. Ok. Je rappelle que t'as moins 3. Huit. Ok. Du coup, il y a le... Ah, le mec qui t'avait rencardé la première fois. Là. Ah, celui qui t'avait rencardé sur... Le vétéran qui avait déjà été à... Ah oui, c'est un vétéran, il manquait des bras, je crois. Il manquait des trucs. Ça, je sais plus. Ouais, je crois que Cécile, c'était un vétéran amputé, tu vois. Et il connaît un bon médecin de la tête. Mais ce qu'il voit bien que tu es en train de mourir d'un chagrin, quoi. Mais en échange, il veut que tu lui donnes une information, en fait. Il veut savoir... Ah oui, maintenant, tu ne m'aimes pas pour lui donner ça. Ouais, bah il veut savoir c'est quoi le précédent run que vous avez fait, quoi. C'est quoi la dernière mission que tu as faite? Pourquoi faire? Bah, à ton avis, pour revendre l'info. Puis tu vois, il ricane, il a plus que 2-3 dents. Tout en mangeant comment des ramen de chez nouilles bien cuites. Ouais, on va voir un petit biscuit. Ah bah non, on n'en a plus. te donner un croûton. Il dit pas ça. Hein. C'est extra diégétique. Je vois bien le vétéran qui parle tout seul en mâchonnant son croûton. Des nouilles bien cuites. Non, il n'y en a plus. Je vais prendre un croûton. Évidemment, enfin, si, le run en soi, il faut donner le commanditaire avec, j'imagine, sinon c'est pas vraiment donné. Ouais. Grosso modo, tu peux dire Jasmin, la cellule de Lazare, c'est déjà pas mal, quoi. Non, bah du coup, je regarde droit dans les yeux et je dis, tu sais que ça, c'est le genre d'information que je peux pas donner. Et en fait, il se met à te gueuler dessus, il fait « J'en ai marre, t'es trop belle, il t'arrive rien, le Viet Minh est au courant pour tes... le Viet Minh, la triade est au courant pour tes... La triade est au courant pour tes penchants communistes, et pour le moment, ils font rien contre toi, je trouve ça dégueulasse, je voudrais qu'il t'arrive des trucs horribles, regarde-moi, tout ce que j'ai perdu, il te montre ses membres flétris. C'est dégueulasse, eh ben, je suis content, j'espère bien que tu vas crever de la tête, que tu vas t'étouffer avec ton chagrin comme une vieille vérole et tout, que ça va te pourrir chaque cellule une à une, tu vois, il crache par terre, un vieux glavio noir et tout. Tiens, puisque je te maudis et tout, je suis bien content de pas te dire comment. Et tu sais quoi, ce médecin de la tête, eh ben, dès que j'en aurai l'occasion, je vais le crever pour qu'il puisse pas te soigner, tu vois. Même si tu avais l'information de quelqu'un d'autre, eh ben, je vais le crever, ce type, et je vais bien rigoler. Ouais, j'espère que tu seras super malheureuse et tout, et que tu mourras lentement comme une merde. Et du coup, le flot de paroles me bouleverse un peu. Donc, je me lève, je le regarde un moment de loin avec dégoût. Et puis, je finis par appuyer ma chaussure sur sa trachée, en fait. Et j'appuie, mais de tout mon poids, comme on écrase un insecte, quoi, le temps qu'il termine son... Sa diatribe, je lui écrase la gorge jusqu'à ce qu'il bouge plus. Et à son dernier soubresaut, je m'effondre à sa place, genre sur un vieux duvet qui était là, et je me recroqueville contre le mur. Ah, puis t'entends un tintement, en fait, c'est... Comment, ouais. C'est un passant qui vient de te jeter 2-3 écrous en fait en pensant que tu étais une mendiante. Et je me réfugie dans mon palais mental en fait. Quelle tête il a là en ce moment avec le chagrin, tout ça, soleil rouge Bah, soleil rouge, je sais pas, mais ouais, les murs ont commencé à suinter. J'imagine il y a des larmes en fait qui ruissellent le long des parois en métal de la cuve et ça fait des grosses traînées de rouille. Et il y a Soleil Rouge, bon ça sert peut-être pas à grand chose, mais elle voit comment t'es hyper mal, quoi. Elle t'amène en fait, elle t'amène, elle ouvre une petite porte, elle fait « Suis-moi », c'est vraiment la porte, genre Alice au Pays des Merveilles, quoi. Elle est deux fois trop petite pour vous deux, quoi. Et vas-y, suis-moi, elle t'amène de l'autre côté si tu acceptes. Ouais, voilà, bon, de toute façon, je suis dans un état où c'est facile de me faire faire un peu ce qu'on veut. Ouais, elle te donne des jumelles, et de l'autre côté, c'est une loge avec des rideaux, et elle écarte les rideaux, et en fait, si tu vois. Tu vois ta sœur qui se produit, qui danse, et tu veux comment avec le l'énorme rumeur de l'orchestre derrière, elle danse comme un oiseau, elle a les yeux jaunes emplis de vérité, quoi, le visage tragique. Et donc Soleil Rouge, elle te fait regarder ça en espérant que ça te remonte le moral. Peut-être en fait, juste pour tuer le temps, quoi. Mon, Mon propre chagrin me déborde en fait et la rouille commence à passer à nos pieds et à se déverser sur la scène. Il y a une espèce de truc qui commence à tout fragiliser, à pourrir les fondations. Il y a du velours des fauteuils qui est en train de devenir tout poussiéreux. Il y a des trucs qui ternissent. Il y a un projo qui claque. Ça roule. Avec ta permission, on va skipper sur Arun là. On va sans doute terminer là-dessus, parce qu'il faut encore qu'il aille jusqu'au bunker. Donc, Arun, donc t'es passé de l'autre côté. Donc la jungle, c'est vraiment jungle tropicale, quoi. Hein. Ouais. Donc il fait nuit, il y a des palmes partout, il y a tout un tas de bruits de bestioles. En fait, il y a plein de palmes mortes au sol, quoi, et on ne sait pas ce que ça cache. Ça peut cacher ce qu'on appelle les pièges à cons, qui sont des trappes, en fait, remplies de poutre cloutée. Ou peut-être que ça cache des mines antipersonnelles. Il y a des perroquets en fait dans les branches qui crient ici et maintenant, ici et maintenant. Pour trouver le bunker, ça va être quoi? Je me demande si c'est pas à nouveau infiltré. Je me demande si j'ai pas mis en rayon. Tac tac tac. Action de base. Il n'y a pas, hein, c'est ça. Hein. Je vais te redemander un infiltré exfiltré, mon cher Arun. Mais avec plaisir, mon cher Thomas. Alors, hop, il faut juste que je trouve la bonne fenêtre. Ah non, c'est pas ça. Hein. Hop, ok. Allez, un deuxième croton. Un 13. Magnifique, donc t'arrives jusqu'au bunker, t'as un truc en plus ou... Ouais, mon truc en plus, c'est que je vais la jouer à la 256, je pense. Oula. C'est-à-dire ? Bah attends, rappelle-moi, dans le bunker, il est censé y avoir une présence ou... Tu te rappelles de quoi ? Quand y étais, toi ? Bah, quand j'y étais, c'était il y a longtemps, tu vois, donc est-ce qu'il y a encore du monde dans ce bunker ? C'est plutôt ça la question, quoi. Ouais, il y a encore du monde. Ouais. Et ben à ce moment-là, j'y vais et avec ma espèce de clé à molette là, je fais un massacre. Ok, ouais. Donc en fait, il y a des opérateurs, des opératrices et ils se font défoncer quoi. Il y a du sang partout et tu vois, ils étaient en train de... Comment, t'as des transparents à moitié terminés qui se plaignent avec un cri de blême. Et t'as le sang des machinistes partout dans les grandes rigoles. Ouais, ça me fait du bien. Et comment... T'as un grand portrait en fait dans la salle de fabrication à la chaîne. Il y a un grand portrait, c'est le portrait de Soleil Rouge. Et en fait, dessiné derrière elle, tu vois, il y a une armée de transparents communistes. Et c'est écrit « Le soleil se lève ». C'est un portrait qui fait quelle taille ? Enfin, pour le dire autrement, est-ce que je peux l'emporter avec moi ou pas ? Oui, tu peux. Il fait 3 mètres, mais tu peux le déplier. Donc, ouais, tu peux. Tu peux le replier et puis, du coup, tu peux l'embarquer. Ouais. Je pense que je reste en arrêt pendant un certain temps devant, tu vois. Et puis, je finis effectivement par le replier et l'emporter. Tu allais dire un truc, 256 ? Non, j'avais rien du tout. Vous allez dire ? T'as une objection, c'est ça ? J'étais subjugué par ce portrait moi-même, alors que je ne suis pas. Bah, ce qui est impressionnant, c'est que Soleil Rouge elle a exactement le même teint que sur le portrait, comme si le temps n'avait aucune prise sur elle, quoi. Alors que ton ex-femme, bon, on voit bien qu'elle est plus tellement comme sur la pub, quoi. Ah ouais, c'est ça. Non, surtout, ça me donne des idées de grandeur, mais bon. Est-ce que tu répares 256 ici ou est-ce que vous faites ça en ville? Oh bon, on peut le faire ici. Hein. Ouais, il faut faire ça ici. C'est pas plus sale que dans mon atelier. Hein. Mais là, il y a plus. Je veux dire, là, c'était les anciens endroits où on fabriquait, c'est ça? Ouais, ouais, c'est le lieu de ta naissance. Hein. D'accord. Et il reste plus aucun. Il reste plus de. Je sais pas, de 30. En fait, ils sont fabriqués un par un. Et apparemment, ils sont relâchés au fur et à mesure, quoi. Donc là, il n'y en a qu'un qui est à moitié fini, c'est-à-dire que c'est juste un buste. Il est sur la chaîne de production et il vous regarde en fait. Et il dit comment son numéro de série c'est le 1052. Et 1052 vous fait interrompre la chaîne de fabrication des transparents est un acte délibérément anticommuniste. Je le débranche. Ou je le désactive, enfin je sais pas quel est le. Il n'a peut-être pas tort avant qu'il le débranche. Je te regarde. Là je lui arrête. Non, non, il m'arrête, il met le bras. Ouais. Je te dis 256. Toute attache est une faiblesse. C'est le nouveau peuple qui va conquérir. C'est eux qui vont amener le communisme sur le monde. On ne peut pas les en empêcher. Mais je ne compte pas l'en empêcher, au contraire. Tu as déjà commis des actes répréhensibles. Tu vois, 256, ta propre humanité est en train de t'aveugler. Tu ne veux même pas écouter ce que je suis en train de te dire. Je ne suis pas humain, je suis un communiste. Un communiste qui n'écoute pas ce que les autres lui disent. Oui, parce que je suis un communiste, c'est bien ce que je dis. Il écoute son algorithme, c'est tout. Bon, bah du coup, tant pis pour lui. Je dis rien et je m'en vais. Donc, tu te casses, en fait. Tu quittes ce bunker décrépit. Tu te casses dans la jungle. Du coup, j'ai pas désactivé 1053. Hein, du coup, je vais se démerder. Okay. Il comprendra bien assez tôt. Ouais. Et tu te barres dans la jungle en travers les fougères. Ah, bah alors, ouais. Vas-y, 256, on t'écoute. Hein. Tu dois finir le travail. Ici, tu trouveras tous les. Désolé, 256. Ici, tu trouveras tous les éléments qui pourront me permettre de reprendre ma forme originelle. Désolé, 256. Je pensais que tu voulais passer du temps avec ton nouveau petit frère. Et je te dis ça avec. Enfin, je pense que même pour une machine, tu peux sentir l'ironie dans ma voix. Ce n'est pas mon frère. Les machines n'ont pas de frère. Mais bien sûr, 256. C'est un élément de promotion du communisme. De promotion. Il est toujours allumé, hein, le 2052, hein, je crois. Ouais. Ah bah oui. De promotion de l'international. De promotion de la seule chose qui peut sauver l'humanité. C'est la lutte finale. Levons-nous et demain. Ouais, de façon à démontrer mon accord. Je me casse. Hein. Donc c'est automatique, je ne peux pas m'arrêter de chanter, mais en même temps je pousse Haroun pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Tu me pousses à l'intérieur ? Hein ? Tu me pousses à l'intérieur ? Ouais, et il le fera en musique. Donc, qu'est-ce que tu attends de lui ? Qu'il te répare ? Parce que je crois que pour le moment, tu n'es toujours pas réparé, si j'ai bien compris. Mais non, ouais, il faut qu'il me répare, il faut qu'il fasse ce qu'il a dit qu'il faisait si moi je l'aidais. Ah, j'ai pas dit que je le ferais. Tu l'as bien aidé en plus. Hein. C'est la lutte finale. Levons-nous. Et mais tu vas fermer ta gueule! J'ai besoin de me concentrer, moi! L'international sera le genre humain. Donc, imagine ça en vietnamien. Ouais, et non, en allemand. En allemand. Et en boucle, j'imagine. Ben, bien sûr. Et en boucle, ben, bien sûr. Et du coup, okay. Avec bah, le cafard qui tape le texte en même temps. Bah, du coup, je vais le réparer, mais là, franchement, je pense que je me tape un malus. Hein. Mais bah, non, t'es déjà un malus de 3 comme t'es blessé. Non, mais je reviens sur ce qui a été dit. Je reviens sur Il n'y a pas de jet de dé, j'avais promis que c'était gratos. Voilà. Hein. Ah, d'accord. Moi, je le fais. En allemand! Hein? Vas-y, ah, répare-moi. J'ai l'air de fin, là. Mais c'est vrai, je t'ai dit, je l'ai fait. Ok. Je pense que ça fait un générique de fin, non? Ouais, très bien. Tu peux le repasser. Comment repasse-le. On va finir là-dessus. Ta main sur le cœur.